بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, le cours numéro 44 dans l'exégèse du livre d'Allah تبارك وتعالى ونواصل في تفسير سورة الفجر. On continue l'exégèse de la sourate Al-Fajr. Aujourd'hui, inshallah ta'ala, وقد وصلنا إلى قول الله تعالى بل لا تكرمون اليتيم. On est arrivé à la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala بل لا تكرمون اليتيم. كلا, on a vu la semaine dernière. Aujourd'hui donc بل لا تكرمون اليتيم, mais vous n'êtes pas généreux envers les orphelins. ولا تحاضون على طعام المسكين, et vous ne vous incitez pas mutuellement à nourrir le pauvre. وتأكلون التراث أكلا لما, et vous dévorez l'héritage avec avidité. وتحبون المال حبا جما, et vous aimez l'argent d'un amour très fort. D'un amour très fort. Dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, bel la tukrimun al-yatim, mais vous n'êtes pas généreux envers les orphelins, envers l'orphelin. Qalatil ulama, al-yatim huwa man faqada abahu. Et donc les savants, ils disent que l'orphelin, c'est celui qui a perdu son père. Pas forcément les deux parents. L'orphelin, c'est celui, en islam, c'est celui qui a perdu son père. Qabl al-bulugh, avant donc d'atteindre la puberté. Wa shar'u yahuthuna 'ala al-ihsan ila hadha al-yatim. Et certes, la législation nous pousse à être bienfaisant envers cet orphelin. Aw ha'ula al-yatama. Ou alors du moins ces orphelins au pluriel. لِكَوْنِهِمْ فَقَدُوا هَذَا الَّذِي يَكُومُ بِمَصَالِحِهِمْ وَيُنْفِقُ عَلِيهِمْ. Parce que ces orphelins-là, ils ont perdu celui qui s'occupait d'eux et qui dépense pour eux. Le père, en général, c'est lui qui va dépenser, c'est lui qui va travailler pour subvenir aux besoins de la famille. فكون الناس لا يكرمون اليتامى دليل على الشح الموجود دليل على الشح الموجود في القلوب. Et donc le fait que les gens ne vont pas faire preuve de générosité envers les orphelins, ceci est une preuve de l'avarice qui est présente dans les cœurs. يرون ذا حاجة فلا يكرمونه. Ils voient une personne qui est dans le besoin. Et malgré ça, ils ne vont pas faire preuve de générosité envers cette personne qui est dans le besoin. Ils ne vont penser qu'à eux-mêmes. Celui qui est comme ça, il ne va pas non plus nourrir les pauvres. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit wala tahadduna ala ta'amil miskin. Et certes, vous n'incitez pas à nourrir le pauvre, à nourrir les pauvres. Fala huwa yut'imul miskin wa la yahuthu an-nasa 'ala fi'lihi. Et donc cette personne-là, non seulement elle ne va pas nourrir les pauvres, mais en plus de ça, elle ne va pas pousser, elle ne va pas inciter les autres à le faire. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma, et vous dévorez l'héritage avec avidité. Vous dévorez l'héritage avec avidité. El-lammu, huwa alladhi ya'kul. El-lammu, huwa alladhi ya'kulu kulla shay'in yajiduhu. La yubali ahalalun huwa am haram. Celui qu'on appelle el-lammu dans la langue arabe. El-lammu, c'est celui qui va manger tout ce qu'il trouve. Celui qui va manger tout ce qu'il trouve. Sans tenir compte de ce qui est interdit ou pas. Il ne cherche pas à savoir si c'est interdit ou pas. Ce qui l'intéresse, c'est manger. Il va manger ce qui est pour lui, mais il va aussi manger ce qui est pour les autres. فَكَذَلِكَ هَذَا الشَّحِيحِ يَأْكُلُ الْمِرَاثَ الَّذِي لَهُ وَلِغَيْرِهِ وَلَا يُبَالِي بِكَوْنِ الْمِرَاثِ حَرَامًا عَلَيْهِ. Et de la même façon, cette personne qui est touchée par l'avarice, cette personne qui est avare, cette personne-là, elle va manger, dévorer de l'héritage qui lui revient à elle-même, mais aussi de l'héritage des autres, sans tenir compte du fait que cet héritage lui est illicite. وَمَا أَكْثَرَ الْمُبْتَلِينَ بِهَذَا الْمَرَضِ الَّذِي هُوَ حُبُّ الْمَالِ. Comme sont nombreux ceux qui sont éprouvés par cette maladie, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. النَّاسُ الْآنِ يَتَقَاتَلُونَ وَيَتَقَاطَعُونَ عَلَى الْإِرْثِ مِنْ شِدَّةِ تَعَلُّقِهِمْ بِالْمَالِ. Les gens aujourd'hui, ils se combattent. Ils se boycottent pour l'héritage à cause de l'amour profond qu'ils ont pour l'argent. فَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et c'est pour cela que Allah Ta'ala il dit après cela, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Et vous aimez l'argent d'un amour fort. فَتَعَلُّقُ الْإِنسَانِ بِالدُّنْيَا وَبِالْمَالِ يُلْغِيهِ عَنِ الْآخِرَةِ. Et donc le fait que la personne soit attachée à la dunya, soit attachée à l'argent, cela va l'éloigner et la distraire de l'au-delà. فَشُغْلُهُ الشَّاغِلُ الدُّنْيَا وَمَلَذَّاتُهَا مِنْ مَالٍ وَنِسَاءٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Et donc tout ce qui l'occupe, tout ce qui l'intéresse, c'est la dunya. Et les délices de la dunya, tels que l'argent, les femmes et autres délices de ce bas monde, voilà ce qui l'intéresse, voilà ce qui occupe son temps. فَذَكَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ مَا هُوَ حَاصِلٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et donc Allah Ta'ala, après cela, il nous cite ce qui se passera au jour de la résurrection. Il dit « Kalla, idha dukkatil ardu dakkan dakka, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, waji'a yawma idhin bi jahannam. » Prenez garde. Prenez garde. Lorsque la terre sera aplanie, étape par étape, et que ton Seigneur viendra ainsi que les anges, rang par rang, et que on viendra en ce jour-là avec l'enfer. La parole d'Allah Ta'ala, qu'elle est. Prenez garde. Aïmayan bari, an yakuna l'insanu shahihan, la yakunu hambuhu illa fi dunya. Il n'est pas, c'est-à-dire, il n'est pas convenable que l'individu soit avare et que tout ce qui lui intéresse soit la dunya. Cela n'est pas convenable. وَلَيْسَ كُلَّمَا أَحْبَبْتُمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَتَنَافَسْتُمْ فِيهِ مِنَ اللَّذَّاتِ بِبَاقٍ لَكُمْ بَلْ أَمَامَكُمْ يَوْمٌ عَظِيمٌ. Et ce n'est pas tout ce que vous aimez, tels que l'argent et tous les sujets pour lesquels vous vous êtes concurrencés dans les délices. Ce n'est pas tout cela qui va rester avec vous. Mais au contraire, vous avez devant vous un jour terrible. Un jour terrible. Idha dukkatil ardu dakkan dakka. Lorsque la terre sera aplanie, étape par étape. Idha zulzilatil ard wa kusira kullu ma 'alayha wa kusira kullu ma 'alayha من جبال وأشجار وأحجار وأبنية فلا يبقى على وجهها شيء. Lorsque la terre tremblera et tout ce qu'il y a à sa surface sera détruit et qu'il n'y ait plus de montagnes, ni arbres, ni rochers, ni constructions, il n'y aura rien à la surface de la terre. فَهَذَا يَوْمْ يَوْمٌ عَظِيمٌ. Et donc ce jour-là sera un jour terrible. وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَسْعَى مِنْ أَجْلِهِ. Et c'est ce jour-là qui mérite que nous nous préparions pour lui. C'est pour ce jour-là que nous devons nous préparer et faire des efforts. Allah tabaraka wa ta'ala qui parle toujours de Yawm al-Qiyama et qui nous dit وَجَاءَ رَبُّكَ. Et lorsque ton Seigneur viendra. فَاللَّهُ تَعَلَى يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ. Et donc Allah Ta'ala, il viendra au jour de la résurrection pour juger entre ses serviteurs. وَهَذِهِ صِفَةٌ لِلَّهِ مِنَ الصِّفَاتِ الْفِعْلِيَّةِ نُثْبِتُهَا كَمَا جَاءَتْ. Et ceci est un attribut d'Allah qui fait partie des attributs d'action. Nous affirmons cet attribut de la même façon qu'il a été rapporté, le fait qu'Allah vienne. وَيَجِبُ إِثْبَاتُ هَذِهِ الصِّفَاتِ لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ. Et il est obligatoire d'affirmer cet attribut d'Allah Ta'ala d'une façon qui lui est convenable. وَيَجِبُ نَعَمْ d'une façon qui lui est convenable. وَلَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّةَ مَجِئِهِ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et personne ne connaît comment il vient. Personne en dehors de lui ne connaît comment il vient, subhanahu wa ta'ala. Qala Abu Hassan al-Ash'ari rahimahullah. Wa ajma'u ala annahu yaji'u yawm al-qiyamah. Wal malaku saffan saffa. Abu Hassan al-Ash'ari rahimahullah. Il a dit, et certes ils sont unanimes sur le fait qu'il viendra, donc Allah Ta'ala, il viendra au jour de la résurrection, ainsi que les anges rang par rang. وَهَذِهِ الصِّفَةِ أَنْكَرَهَا النُّفَاتُ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْجَهْمِيَّةِ وَمَنْ سَلَكَ مَسْلَكَهُمْ فَتَأَوَّلُ هَذِهِ الْآيَةِ وَقَالُوا إِنَّ الْمُرَادِ مَجِيءُ أَمْرِ اللَّهِ أَوْ عَذَابِهِ. Et cet attribut, les négateurs, dans les noms et attributs, les négateurs, tels que les Mu'tazila et les Jahmiyyah, et ceux qui ont suivi leur voie, ils l'ont rejeté. Ils ont rejeté cet attribut, le fait que Allah vienne. Et ils ont interprété ce verset. وَجَاءَ رَبُّكَ. Et ton Seigneur viendra. Ils ont interprété ce verset en disant que ce qui est voulu ici, c'est l'ordre de ton Seigneur qui viendra. C'est son ordre, ce n'est pas ton Seigneur. Ils disent c'est son ordre ou son châtiment qui viendra. وَهَذَا بَاطِلٌ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَسْنَدَ الْفِعْلَ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ. Et cette parole, elle est caduque, car Allah Ta'ala, il s'est attribué à lui-même cette action. وَجَاءَ رَبُّكَ. Et ton Seigneur viendra. Il a cité que cette action, c'est lui qui l'a fait. Nous ne pouvons donc pas dire que c'est autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Wa min huna, uhibbu an antaliqa ma'akum ila mas'alatin muta'alliqatin bihadhihi al-mas'ala. Wa hiya khata'u al-'alim. Et à partir de là, j'aimerais bien aborder avec vous un sujet qui est lié à celui-ci. Et ce sujet dont je voudrais parler avec vous, c'est l'erreur du savant. فَإِنَّ الْإِمَامَ الْبَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهِ إِمَامٌ وَلَا شَكَّ فِي ذَلِكِ وَقَدْ وَصَفَهُ بِذَلِكَ الْأَئِمَّةِ. Certes, l'imam al-Baghawi, rahimahullah, c'est un imam, il n'y a nul doute en cela. Les imams eux-mêmes l'ont décrit comme tel. Les imams eux-mêmes l'ont décrit comme tel. وأثنوا على كتبه عموما وعلى تفسيره خصوصا. Et donc les imams, ils ont fait les éloges des livres de l'imam al-Baraoui rahimahullah de façon générale, mais aussi ils ont fait les éloges de son tafsir de façon spécifique. فهو تفسير مختصر. C'est certes un tafsir qui est donc concis. يفسر الآيات بعبارات سهلة. L'auteur al-Baraoui rahimahullah, il explique les versets avec des expressions qui sont simples et faciles. وَيُفَسِّرُ الْقُرْآنَ بِالْقُرْآنِ وَبِالسُّنَّةِ وَبِالْمَأْثُورِ عَنِ السَّلَفِ. Et donc, l'imam al-Baraoui, rahimahullah, dans son tafsir, il va expliquer les versets par le Coran et aussi par la sunnah du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et aussi par les textes qui nous sont rapportés des salaf. Et donc sa méthode est la méthodologie des pieux prédécesseurs. La méthodologie des pieux prédécesseurs. J'attire votre attention, quelques secondes, je sors un peu du sujet parce que la hawla wa la quwwata illa billah, j'ai entendu quelques paroles cette semaine qui m'ont vraiment heurté, qui m'ont fait mal. Un individu, un musulman ici en France, le problème, vous savez, quand on a des personnes qui rentrent dans les débats interreligieux, sans ayant eu des bagages scientifiques, sans ayant eu de science, de connaissance de la aqid al-islamiyya, et qu'ils se lancent dans les débats interreligieux, eh bien ils prononcent des catastrophes. Des catastrophes, comme le fait de contredire une unanimité des savants. Les savants du tafsir, les exégètes qui sont unanimes sur le fait qu'Isa alayhi salam n'a pas été tué. Les savants musulmans sont unanimes sur ce sujet. Isa alayhi salam n'a pas été tué. Il n'a pas été crucifié. Allah Ta'ala qui nous dit « Wa ma qataluhu wa ma salabu » Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Ensuite, on a un être humain qui vient à notre époque et nous dit « Non, j'ai lu les exégèses. Et Allah m'a appelé à réfléchir. Et je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que les juifs, ils disent que Jésus a été tué. Un tel, ils disent que les historiens disent. Pourquoi les musulmans ne veulent pas le dire? La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qu'est-ce que c'est que cette parole horrible? Contredire le Coran, contredire l'ijma, l'unanimité des savants. Ensuite, critiquer les savants, dire « Ils se sont copiés les uns les autres. » Yahi, ça s'appelle une unanimité. Ils sont unanimes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Inna Allah la yajma'u ummati ala dalala. » Allah ne rassemble pas ma communauté sur un égarement. Ils sont unanimes, donc sur la vérité. Et toi, tu viens derrière, avec toute ton ignorance, et tu dis « Ils se sont copiés mutuellement. » Et tu n'as pas honte de faire une vidéo que tu vas propager sur YouTube. La hawla wa la quwwata illa billah. Aucun respect pour nos savants du tafsir. Et lorsqu'il va parler après des incroyants, hein, parmi les juifs et les chrétiens, il leur fait leurs éloges. Ou un tel qui est un imam, qui est un... La hawla, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut vraiment qu'on fasse attention. Oui, c'est vrai, c'est important. Expliquer aux chrétiens et aux juifs qu'ils sont sur des voies égarées. Il faut expliquer que l'islam, c'est la religion de vérité. Mais attention, il faut étudier chez les gens qui ont une bonne croyance. Et donc l'imam al-Baraoui, on revient sur notre sujet, inshallah ta'ala, désolé pour cette petite parenthèse, mais l'imam al-Baraoui, rahimahullah, dans son tafsir, il utilise la méthodologie des pieux prédécesseurs. Il ne vient pas en disant « Ah moi, j'ai vu le tafsir, ça m'a pas plu, et... ça m'a pas plu. » Non, il utilise, il va faire l'exégèse du Coran par le Coran, ou par la sunna, ou par les textes des salafs, parmi les sahaba, wa tabi'in, wa man ja'a ba'dahum. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن البغوي رحمه الله صان تفسيره من الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله Il dit que certes, Al-Barawi rahimahullah, il a préservé son tafsir, il a préservé son exégèse des hadiths inventés et des idéologies innovées. C'est une belle éloge que fait Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah à cet imam Al-Barawi rahimahullah et à son livre, son tafsir, qui est préservé des innovations. فهذا الإمام مع علو منزلته وكثرة علمه وجودة تفسيره فقد أخطأ في تفسير هذه الآية. Et donc cet imam, malgré son haut rang, sa grande science et l'excellence de son tafsir, de son exégèse, il s'est trompé dans l'explication de ce verset. فَلَمَّا وَصَلَ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَجَاءَ رَبُّكَ قَالَ الْحَسَنُ جَاءَ أَمْرُهُ وَقَضَاؤُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سِوَى هَذَا. Et donc cet imam, il s'est trompé, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ici, dans ce passage, lorsqu'il est arrivé à l'explication de ce verset, وَجَاءَ رَبُّكَ, et ton Seigneur est venu, et ton Seigneur viendra, il a dit... Al-Hassan a dit, son ordre viendra. Son ordre et son décret viendront. Fin de citation. Ensuite, il n'a pas cité autre chose que cela dans l'explication de ce verset, de ce passage. Fa qad yuqal innahu dhakara hadha al-kalam wa huwa yuwafiquhu. Wa qad yuqal innahu la yuwafiquhu. Et donc, il se peut qu'on dise que l'imam al-Barawi, rahimahullah, il a cité cela dans son tafsir, dans son exégèse, en étant d'accord. Comme il se peut qu'on dise qu'il l'a cité, mais qu'il n'était pas forcément d'accord. Mais dans tous les cas, il est obligatoire d'expliquer la vérité dans cette situation. Il est obligatoire d'expliquer la vérité, que ce n'est pas l'explication correcte du verset. وللفائدة فهذا الإمام قد أثبت المجيء لله تعالى في كتابه شرح السنة للبغوي حيث تكلم عن حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها. Et donc, aussi pour comme profit, comme leçon profitable, pour qu'on ne dise pas que cet imam rejette donc l'attribut, le fait que Allah vienne. Non, on ne dit pas cela. Certes, il s'est trompé dans l'exégèse ici, mais ça ne veut pas dire que l'imam il rejette l'attribut. Attention, on ne se précipite pas. Car cet imam, il a affirmé cet attribut dans son livre « Sharh Sunnah ». Il a un livre très connu, très important, Sharh Sunnah al-Barawi. Lorsqu'il est arrivé, lorsqu'il a expliqué le hadith de Anas dans Sahih Muslim, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les cœurs sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Allah, il les retourne. Donc Allah Ta'ala retourne les cœurs comme il veut. Qala al-Imam al-Barawi rahimahullah. والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله عز وجل وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله سبحانه وتعالى كالنفس والوجه والعين والرجل والإتيان والمجيء والنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والضحك والفرح. Après avoir lu le hadith et cité les diverses narrations, il dit l'imam al-Barawi rahimahullah dans Sharh Sunnah, il dit, et le doigt qui est cité dans le hadith, le doigt d'Allah Azza wa Jal, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal. De la même façon, tout ce qui a été cité dans le Coran ou dans la Sunna de cette façon fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme un nefs, ainsi que le visage, ainsi que les yeux, ainsi que ar-rijl, le pied, ainsi que l'itien, le fait de venir, al-maji. Donc on a ici le fait de venir, ainsi que al-nuzul, le fait de descendre au ciel le plus bas, ainsi que l'istiwa, le fait d'être établi sur le trône, ainsi que dahik, le fait de rigoler, ainsi que le farah. Et donc il a affirmé cet attribut, rahimahullah. Il a affirmé l'attribut, le fait que Allah Azza wa Jal vienne. Idan, hadha al-imam, huna fi hadhihi al-aya qad akhta. Et donc cet imam ici, dans ce verset qu'on a vu aujourd'hui, il s'est trompé. Wa hadha mimma yudhakkiruna bi mas'alatin hiya anna al-'alim mahma balagha 'ilmuhu fala budda an yukhti li kawnihi basharan. Et donc cela nous rappelle un sujet, c'est quoi? C'est que le savant, peu importe la science, peu importe la science qu'il a atteint, il est obligatoire qu'il se trompe, parce que c'est un être humain. C'est un être humain. Wa ahlu sunnati wal jama'a min 'adatihim fi at-ta'amul ma al-mukhti'i in kana salafiyan sunniyan annahum yarudduna al-khata' wa yubayyinunahu wa yahfazuna karamat al-mukhti'. Et les gens de la sunna, ils ont pour habitude dans leur comportement avec celui qui s'est trompé, si celui-ci était salafi, sunni, ils ont pour habitude qu'ils répliquent à l'erreur, qu'ils rejettent l'erreur, et qu'ils montrent aux gens que c'est une erreur, tout en préservant l'honneur de celui qui s'est trompé. فَنَسْأَلُ ta'ala an يَرْحَمَ هَذَا imam al-Baraoui rahimahullah rahmatan wasi'a. Et donc nous demandons à Allah ta'ala de faire miséricorde à cet imam, l'imam al-Baraoui, d'une grande miséricorde. وَأَنْ يَجْزِيَهُ خَيْرَ الْجَزَاءِ لِمَا قَامَ بِهِ مِنْ خِدْمَةِ الْكِتَابِ وَالسُنَّةِ. Et on demande à Allah Azza wa Jal de le récompenser de la meilleure des façons pour ce qu'il a accompli dans le service qu'il a rendu au Coran et à la Sunna. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Et ton Seigneur viendra ainsi que les anges rang par rang. فَيَأْتِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ لِلْفَصْلِ بَيْنَ عِبَادِهِ وَيَأْتِي أَهْلُ السَّمَاءِ الْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا فَيُحِيطُونَ بِالْخَلْقِ. Et donc, Allah Ta'ala, il viendra au jour de la résurrection. Il viendra pour juger d'entre ses serviteurs. Et aussi les habitants des cieux et les anges viendront rang par rang et encercleront donc les créatures qui seront jugées. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ. Allah Ta'ala qui nous dit وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمِ. Et on viendra en ce jour avec l'enfer. On viendra en ce jour avec l'enfer. أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. L'imam muslim, il a cité dans son sahih, selon Ibn Mas'ud radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on viendra au jour de la résurrection avec l'enfer qui aura 70,000 laisses, et chaque laisse sera tirée par 70,000 anges. وَهَذَا يَدُلُّنَا أَيُّهَا الْإِخْوَ وَالْأَخَوَاتِ عَلَى عِظَمِ جَهَنَّمْ وَخُطُورَةِ هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا أَنْ يَسْتَعِدَّ لَهِ. Et cela nous montre, ô chers frères et sœurs, cela nous montre le caractère grandiose et énorme de l'enfer. 70,000 laisses tirées par 70,000... Chaque laisse tirée par 70,000 anges. Cela nous montre le caractère grandiose de l'enfer. Énorme. Et cela nous montre le danger de ce jour. Ce jour, quant auquel il nous est obligatoire à tout un chacun de nous préparer pour celui-ci. Chacun regarde, est-ce qu'il se prépare correctement pour ce jour? Chacun regarde, est-ce qu'il s'éloigne des interdits? Et est-ce qu'il y fait son maximum pour obéir à son Seigneur, tabaraka wa ta'ala? Wa nahnu fil usbu' al-qadim bi'idhnillah, sanukmilu ma tabaqa min al-ayati fi hadhihi as-surati inshallah ta'ala. Et la semaine prochaine, bi'idhnillah ta'ala, on va finir l'explication des autres versets qu'il nous reste dans cette sourate. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite, il est capable de toutes choses. On lui demande de faire miséricorde à nos savants, les contemporains, les anciens, ceux qui combattent avec leur science pour défendre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on lui demande à Allah tabaraka wa ta'ala de guider ceux qui ont dévié, de les guider vers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا